C'est le championnat en fin de semaine à Alma, le championnat scolaire, les Lynx d'Alma qui ont dominé dans toute l'année et en fin de semaine dernière, ils ont gagné le championnat contre l'Académie Saint-Louis. On en parle avec l'instructeur-chef Jean-Normand Tremblay. Bon matin, M. Tremblay. Bon matin, M. Veilleux. Jean-Normand, si on parlait un peu écoute, moi j'avais des inquiétudes quand j'ai vu vous gagner, c'était de façon consécutive, je me disais, est-ce que vous allez être capable de conserver le même rythme? Ben, ça a été, vous l'avez fait, finalement. Oui, on a réussi à conserver le même rythme. On a participé à l'espace d'une seule semaine au mois de février. On a participé au tournoi de Bantam de Saint-Bruno. Puis je vous dirais que ça nous a remis un petit peu les pieds sur terre. Là. Ça a permis aux gars de se dire, OK, regarde, on n'est pas invincible, on a confiance en nos moyens. Les gars savent qu'il y a des situations sur les gars. Donc, ça nous a montré qu'on pouvait se faire battre aussi. Puis je pense que ça a remis les choses en perspective, ça a amené les gars à travailler encore plus fort, à doubler d'ardeur dans les entraînements, ces choses-là. Puis je pense qu'on est frais et brel, on vient de sortir des séries, on a bien fait ça, on a remporté le championnat de section. On est fin prêt pour le tournoi. Okay. L'Académie Saint-Louis, ça, ce que ça représente, c'est l'Est du Québec, c'est ça? Oui, exactement. C'est une école secondaire dans la région du Québec. OK. Est-ce que, donc, vous avez dominé, mais est-ce que ce qu'on va avoir en fin de semaine à Alma, c'est pour tout le Québec, là, c'est ça? Oui, exactement. C'est le championnat provincial. C'est les 12 équipes cadets, les 12 meilleures équipes juvéniles au Québec. Donc, il y a des équipes de Gatineau, du lac Saint-Louis, des équipes de peu partout, là, Saint-Jérôme, donc ça ratisse vraiment l'air. OK. Quand on parle du hockey civil, le classement à POC, ça vous dit quelque chose, j'imagine? Oui. Il existe ça au niveau scolaire? Parce que c'est quelque chose de semblable. Parce que quand je parle aux entraîneurs du hockey civil, on se fie beaucoup sur le classement à POC pour au moins savoir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'il existe quelque chose de semblable ou vous comprenez ma question? Oui, ben sur le site du classement POC, il y a une bonne. Il n'y a pas de. Dans le fond, c'est dans la section autre calibre. Là, OK. Parce qu'il y a des D1. Donc, on a la même chose que les équipes civiles. Là, le classement POC existe pour le cadet aussi. OK. Donc, ce que vous entendez, comment vous étiez au classement POC? Parce que moi, je suivais le hockey civil, mais je ne savais même pas qu'il y avait le hockey scolaire. Est-ce que vous êtes considéré comme favori dans ce tournoi-là? Oui, bien, actuellement, on est premier au classement. OK. On est premier, on n'a pas descendu. Là, on est dans l'équipe de première position. C'est certain que le classement, ça donne une bonne indication quand même des forces en présence. Faut que le calcul est assez complexe lorsqu'on calcule les victoires, les défaites là-dessus. Donc, c'est une bonne indication, là, mais il ne faut pas prendre ça pour du gâche non plus là, par rapport au fait que des fois, une équipe de quatrième place peut être meilleure qu'une équipe qui est en deuxième place. Juste par le fait que les équipes que ces équipes-là rencontrent dans ce monde. Donc, mais oui, c'est sûr que ça peut donner une bonne indication. Je vous dirais que si on regarde le classement POC, là, dans les 12, 13 premières équipes, là, c'est pas mal les équipes qui sont au championnat provincial. OK. Jean-Normand, si on parlait un peu, là, c'est un tournoi en fin de semaine en plus. C'est pas la même préparation, un tournoi qu'une série, là. Non, c'est pas la même préparation. Nous, là, on a commencé notre dernier entraînement sur glace. On a pratiqué lundi, on a pratiqué mardi. Aujourd'hui, là, on a donné congé aux garçons de glace. Ça n'aurait comme pas eu de bon sens lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche. Donc aujourd'hui, les gars vont en congé de glace. Donc on est vraiment en mode préparation pour moi. Hier, on s'est jasé en tombe, on va se faire jaser cet après-midi. On a commencé sur la glace le 12 août, on a commencé le camp d'entraînement, la première pratique. Fait que, moi, c'est le message que j'ai lancé aux gars hier, je vous dis, on travaille fort hier, c'était la 82e pratique de l'année. On a joué à peu près 50 parties. Puis, les gars, on a travaillé fort. On a fait beaucoup de sacrifices, autant les entraîneurs, les joueurs, les parents, tout le monde dans le bateau a fait beaucoup de sacrifices. Un tournoi comme ça, c'est extrêmement difficile à gagner. On a dit, le message qu'on leur a lancé, c'est ça ne veut pas dire qu'on va gagner, les gars. C'est quelque chose qui est très dur à faire. Mais arrangez-vous pour que lundi matin, on n'ait pas de regrets. Je veux pas que les gars ils regrettent rien, qu'on ait tout laissé sur la glace. Si on l'emporte, on est chez nous, tant mieux. Ça va être un trip, ça va être une saison mémorable pour eux autres. Donc, ça l'est déjà, là, avec ce qu'on a réussi à accomplir. Ça va l'être encore plus si on réussit à l'emporter. Donc, on essaie d'enlever cette pression-là. Oui, on peut dire qu'on est les favoris. Oui, on peut dire qu'on est l'équipe à battre. Donc, il y a des très bonnes équipes au tournoi. Puis on s'attend à ce que ça soit très difficile. Comment ça va marcher le tournoi? Et sais-tu un round robin? Sais-tu comment ça... Non, c'est la même principe qu'à la Coupe d'Odge. Ah, OK. Tes deux premiers matchs te permettent... Ton premier match te permet de te positionner dans le tableau. Ton deuxième match, tu gagnes ou perds. Tu prends gauche ou tu prends à droite. Puis c'est le troisième match qui est important. Là. Tu ne peux pas te permettre de perdre ton troisième match. OK. Là, on va faire... Parce que moi, je vous appelle, évidemment. Ça m'intéresse... Vous m'intéressez parce que... Il y a beaucoup de joueurs du Haut-du-Lac. Et là, on va faire un peu... On avait fait le bilan de la première moitié de saison de Gégeois. Là, on va faire la deuxième moitié de saison. On va commencer avec vos joueurs du Haut-du-Lac. Je pense que vous en avez 11, c'est ça? En tout, c'est 9. 9, OK. Donc, allez-y. Les petits gars, là... En fait, je vous dirais que tous mes joueurs ont connu une belle progression en deuxième moitié de saison ou en fin de la première moitié de saison. Okay. Par rapport à nos gars au Dulac, on a encore nos leaders, nos locomotives offensives là, avec on a Tommy Deblois qui vient de Saint-Sébastien, Vincent Tremblay, c'est des vétérans pour nous autres. C'est les deux joueurs qui ont fini nos meilleurs marqueurs depuis le début de la saison. Ensuite de ça, on a Mathieu Girard. On a la défense, après, c'est pas la défense, là, si je termine à l'avant, là. On a Thomas Mayou, puis on a Anthony Simard. Anthony, là, c'est un secondaire 1 pour nous autres, là, et c'est presque une bénédiction, là. On ne connaissait pas au début de la saison, puis c'est rendu un excellent joueur d'hockey, puis juste en secondaire 1, là, il reste encore 2 magasins. On a Thomas Mayou, qui fait un job incroyable aussi, là, ça vient de demander, ça. Ouais, c'est exactement ça. Moi, spécial, surtout en situation défensive. Il est rendu un peu bonhomme. Comment, là, c'est son père, un très bon physique. Là, il est en train de, je pense qu'il est rendu, il est rendu là. Il est rendu très grand, très gros. Il y aurait beaucoup son lancer. Ensuite de ça, à la défense, on a Philippe Nadeau, qui a une très, très belle progression aussi. Là, qui est rendu un nouveau carrière en avantage numérique. Ça fait de la voix même il ouvre. Ensuite de ça, on a William Drapeau, là, notre gardien de but, qui très très bonne fin de saison là, au niveau des séries éliminatoires. Il fait très très bien ça, il joue bien son rôle de vétéran aussi. On a un bon jeu de gardien, on est très à l'aise en faisant le tournoi avec ça. OK. C'est pas mal beau. OK. Ouais, c'est ça. OK. Je vais vous parler de Roberval. Ça brasse pas mal à Roberval. Il y a deux, puis on parle même de trois équipes à Roberval qui vont venir dans le hockey scolaire. Comment vous voyez ça, Alma? C'est sûr que c'est une compétition, parce que je suis pas sûr que vous auriez 9 joueurs si vous auriez à Roberval. Ben, c'est pas le même cadet, par contre. Faut admettre, là. Ouais. En fait, là, dans le juvénile et dans le cadet, là, les demandes qui Roberval ont fait, c'est en disponible présentement. Fait que nous, ça nous touche pas directement, là, si on veut. Ouais, OK. Ces joueurs-là, si un joueur veut absolument venir jouer à Roberval, il va pouvoir le faire encore. Par contre, c'est certain que peut-être que certains vont se dire, ben moi j'ai le choix d'aller dans une place ou d'aller dans l'autre place. Ben, c'est, j'ai le choix d'être chez nous à Roberval ou d'aller dans le Nord. Ben, peut-être qu'il va rester là, tu sais, puis c'est correct aussi. Là, vous n'auriez pas 9, autrement dit. Vous n'auriez pas 9 si Roberval existerait cette année. Je suis pas sûr que vous n'auriez 9, hein? Je peux pas m'avancer là-dessus honnêtement parce que dans ces 9-là, dans les 9 que j'ai eu cette année, c'est tous des jeunes que j'avais déjà entraînés. Donc, c'est tout que j'avais déjà eu dans les équipes ultérieurement. Peut-être qu'ils seraient venus quand même, peut-être qu'ils seraient pas venus, je sais pas. Là, je peux pas répondre pour eux autres. Mais cette année, je pense pas que ça nous aurait limité tant que ça, là, des joueurs de Haut-du-Lac. Mais là, je pense qu'on est rendu à croiser des chemins. Hein. C'est ça que ça me fait dire, moi. On est rendu à la croisée des chemins parce que, vous savez, là je parle à Jean-Normand Tremblay, pas juste l'instructeur d'Alma, mais l'instructeur de hockey qui œuvre au niveau scolaire, puis qui j'imagine connaît le civil aussi, comment ça marche dans le civil. Vous savez, on a toujours de la misère, dans le civil, ils ont toujours de la misère à trouver un entraîneur. C'est toujours compliqué des bénévoles. Tandis que si tu vas dans le scolaire, ben, au moins ils sont encadrés. Ça motive le jeune, puis il n'y a pas de problème d'entraîneur. Puis peut-être même que les parents sont moins présents, tu sais, ils poussent moins dans le scolaire que dans le civil. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est sûr que, tu sais, comme moi, je suis au cadet, Alexandre, nous, est au juvénile. Ouais. Moi je suis l'entraîneur, oui. Je suis enseignant en éducation physique. C'est moi leur tuteur. C'est moi qui suis des notes, c'est moi qui suis des comportements. Donc, c'est très dur d'échapper quelque chose. Tu sais, il n'y a rien qui va passer en dessous du tapis. Les parents sont au courant de tout de qu'est-ce qui se passe parce que c'est toujours moi qui est avec eux. C'est toujours par moi que ça passe. Fait que c'est sûr qu'ils s'échappent moins de choses. Tu sais, par rapport au suivi, je dis pas que les organisations civiles ne sont pas capables de faire le suivi ou de bien suivre leurs jeunes. C'est pas ça, mais je dirais que c'est un petit peu moins complexe là, parce que ça passe tout le temps par la même personne. OK. Il y a moins d'histoires comme on voit, justement, ça passe à RDS à Saint-Cy par un ING. Vous avez peut-être vu le documentaire, là. J'imagine qu'il y a moins d'histoires d'horreur dans le scolaire comme ça, là. Ben, c'est certain que dans les arénas, là, partout, je suppose, des conférences spéciales, mais le documentaire, en vitrine, dans le fond, c'est il y a beaucoup de comportements là-dedans qui sont très. Moi, je pense qu'ils sont quand même démesurés. On en voit. Donc, il y a la grande majorité des parents. Moi, je vais prendre mes parents pour cette année, là, des choses comme ça. On n'est jamais passé proche d'en avoir. Puis, il n'y en a pas, là. Sauf que j'en ai déjà vu des choses comme ça dans les arénas, absolument. C'est regrettable. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas mettre tout le monde dans le même bateau. Oui, il y a des gens intenses. Sauf que moi, je vais prendre ma gang à moi, là. C'est des parents merveilleux. Puis, on n'a eu aucun problème dans l'année. D'habitude, j'essaie de limiter mes contacts avec mes parents, justement, pour pas qu'il arrive de situations comme ça. Puis cette année, là, je vous dirais que j'étais pas mal plus proche de mes parents, justement, parce que c'est une belle gang, je les connaissais déjà, puis on n'a pas eu de problème. OK. Ben, Jean-Normand Tremblay, on va vous souhaiter la meilleure des chances pour en fin de semaine. C'est à Alma. Donc, les activités vont commencer à quelle heure? Jeudi, ça débute à 11h le matin, donc sur la grande place. Nous, le premier match, dans le fond, on a la chance de faire le match d'ouverture du tournoi, donc à 19h45 jeudi soir. On fait le match d'ouverture là, sur la grande glace du Saint-Mario-Tablé. On rencontre les Cougars de Cap-Jeunesse. Okay. Puis après ça, là, tout dépendamment, gagne ou perd, là, je pense que son père, ça donne 14h30. Si on gagne, on va le jouer à 19h45. Puis là, ben, après ça, on est parti. Là, samedi, deux matchs, dimanche, deux matchs, là, dépendamment qu'on gagne, évidemment. Ça, c'est avoir des bonnes retombées économiques. Là. Il va y avoir beaucoup de monde. Là. Oui, absolument. Les hôtels d'Alma sont remplis. C'est rendu à Robertval, c'est rendu à Jonquière, même Chimini. Il y a du monde un peu partout, les restaurants, ces choses-là. Là. C'est autour de 300 000 à 350 000, là, si je ne me trompe pas. Là. OK. Benjamin Matambi, félicitations pour votre saison, félicitations pour les séries. Bonne chance, on s'en reparle peut-être même la semaine prochaine, tout dépendant. Parfait, ben je vous remercie beaucoup. L'instructeur-chef des Lynx d'Alma, Jean-Normand Tremblay. Merci.